À l'occasion du 53e anniversaire de l'intégration du général Kim Jong-il au comité central du Parti du Travail de Corée, les séminaires sur ses exploits ont eu lieu en Tchèque et en Allemagne, ainsi que colloques en Indonésie, en présence des personnalités et habitants de divers milieux. Les orateurs ont indiqué que le général a développé le Parti du Travail de Corée en organisation du leader et rang révolutionnaire invincible et que, grâce à sa sage direction, le Parti coréen a pu défendre invariablement le drapeau socialiste malgré les tourments de l'histoire et repousser les défis américains et des autres forces hostiles pour remporter seulement la victoire.